À Solange-Clésinger, Nohant, 29 septembre 1861. Je ne crois pas non plus que tu puisses emprunter quel que soit le testament. Pourtant, c'est une chose à faire examiner par des personnes compétentes. Quant à la vente de Guillery, si ton père n'en a pas le droit, il ne le fera pas, c'est bien certain. Et si son droit peut être mis en doute par la plus petite obscurité dans le testament, il ne trouvera pas d'acquéreur. Je ne vois donc pas beaucoup de danger de ce côté-là. Ludre a dû t'écrire que je n'approuvais pas tes projets d'établissement en Berry, qu'après réflexion et information, je croyais même devoir m'y opposer pour des raisons dont je n'avais pas à lui rendre compte. Je m'oppose également à ce que tu viennes ici pendant le mois de septembre ou d'octobre. Je vois et je veux voir des personnes dont tu m'as parlé avec trop d'antipathie pour qu'il me plaise de les réunir à toi. D'ailleurs, j'ai encore d'autres raisons qui ne se peuvent expliquer dans une lettre et que tu connais depuis longtemps. Je m'étonne donc de ton insistance qui ne peut qu'augmenter ma résistance. Il en est de même pour les essais d'acquisition autour de moi. Et si ton voyage à Châteauroux a ce but, je t'engage à y renoncer dans ton propre intérêt. Je n'aime pas les surprises. Et tu sais que quand je t'appelle, tu es au contraire la bienvenue. Mais j'entends garder à cet égard la plus entière liberté. J'entends ne pas savoir comment tu arranges ta vie intime. Et pour ce faire, je ne veux pas que tu demeures près de Nohant. Fais tes réflexions là-dessus. Ludre a dû t'écrire que tu aurais tout avantage à ne pas persister à vouloir précisément le contraire de ce que je désire. Je t'embrasse tendrement quand même. Sans doute tu verras ton frère avant moi. Je ne l'attends guère avant le 10 ou le 12 octobre. Après ce refus de George Sand de voir sa fille s'installer à proximité de chez elle et de Nohant, les deux femmes ne s'écriront pas pendant de nombreuses années.